soleil s'est levé d'humeur câline. Les sangs glissaient entre ses doigts, les premières brumes cristallines. Comme un jour sans lendemain, tout paraît clair à présent. Le monde nous appartient et nous filons droit devant. Inutile de se chercher des circonstances existentielles. Nous ne sommes que des mammifères quelque part posés entre la mer et le ciel. Aveugle de sagesse et d'humilité envers notre existence, nous piétinons la beauté universelle avec arrogance. Inutile de se chercher des excuses à nos méfaits. Nous ne sommes que des bipèdes quelque part coincés entre nos rêves et nos regrets. Un animal. Ses doigts, cette vie que l'on assassine.